Chapitre 3 de l'envoûtement. Comme les moindres choses en cette affaire devaient avoir un caractère étrange et que la société de Brémond s'était occupée des derniers instants de Jean-Pierre, on apprit du chef-lieu qu'une jeune femme toute vêtue de noir s'était à l'instant de l'exécution approchée de l'échafaud et avait trempé son mouchoir au sang qui ruisselait à travers les planches. Elle avait ensuite réclamé le corps du condamné et l'avait fait ensevelir. On se douta bien que c'était Gilda. On en fut certain quand on la vit revenir habillée de deuil, très pâle et tellement changée qu'elle paraissait vieillie de 20 ans. Les enfants s'étaient d'abord mis à la suivre en l'appelant, avec le féroce acharnement de leur âge, la femme du guillotiné. Mais ils avaient bientôt pris peur quand ses regards haineux et farouches étaient tombés sur eux. Sans doute les économies de Gilda avaient été consommées dans l'accomplissement de ses pieux devoirs envers son mari, car elle cessa par degrés de rien racheter pour sa nourriture, et ses vêtements devinrent des haillons. Elle ne demandait pourtant pas l'aumône, et vivait dans sa masure comme dans une tanière. Elle y avait pour seul commenceau un chat noir et une chouette, et l'on pouvait voir par les chauds rayons du jour des lézards et des crapauds monter familièrement sur le rebord de la fenêtre. Elle avait ainsi autour d'elle tout l'attirail d'une sorcière, et ne tarda point à passer pour telle. Précisément, avec une obstination singulière, elle se remettait aux pratiques de son enfance et aux opérations cabalistiques qu'elle avait vu faire aux bohémiens. Elle disposait en rond un vieux jeu de cartes ou des grains de maïs, puis appelait un crapaud favori, qui accourait, en coassant, à sa voix, et laissait dans le cercle magique de visqueuses traînées. Les paysans et les gens du bord de l'eau prirent alors l'habitude de venir la consulter, quoique pour se donner du cœur ils arrivassent l'insulte et la raillerie à la bouche. Gilda ne les repoussait pas et leur racontait leur passé ou leur prédisait l'avenir. Toutes les heures, cependant, ne lui étaient pas bonnes pour cela. Il fallait que ce fût au commencement de la nuit. De plus, elle avait besoin d'une sorte d'exaltation nerveuse et s'y préparait par l'immobilité du corps et de la pensée. Quand on lui parlait, on eût dit qu'elle sortait d'un rêve. Mais elle lisait couramment alors dans l'esprit de ceux qui la consultaient. Ils éprouvaient en sa présence une terreur toute physique et n'étaient pas bien sûrs de s'appartenir. Elle vécut dès lors de la curiosité et de l'effroi public. Beaucoup lui apportaient leur dîme, en pièces, de monnaie ou en nature. Elle prenait ce qui lui était indispensable et rendait le reste. Passé 10 heures, elle ne recevait plus personne. Mais sa fenêtre continuait d'être éclairée, tandis que des gémissements et des imprécations sortaient de sa masure. Quelques-uns les plus hardis, après l'avoir quittée, étaient revenus sur leurs pas et l'avaient parfois entendu qui disait « Les temps sont proches ». Mais le plus souvent, les gens attardés s'enfuyaient vite et prétendaient qu'à ces heures de la nuit, la sorcière préparait ses filtres. Dans la société de Brémond, s'il arrivait qu'on s'entretint de Gilda, personne cependant ne s'avisait d'aller voir cette femme du peuple, qui, maintenant maigre, décharnée, n'avait plus à la place de son ancienne beauté qu'un aspect effrayant et sauvage. Si par hasard le président était là, on se taisait. On pensait que le nom de cette femme pouvait lui causer une impression désagréable. L'état de santé de M. Doncières préoccupait d'ailleurs la ville et surtout sa famille. En soirée, à son whist ou pendant une conversation, le président avait de soudaines absences, de légers frissons, s'arrêtait, balbutiait, et ne se remettait qu'avec effort. Il se retirait de bonne heure, et sa démarche avait une certaine précipitation. Il changeait beaucoup, disait-on, et de fait son œil se creusait. Sa haute taille se voûtait de plus en plus, et sa bouche, si fine et si spirituelle jadis, n'avait plus qu'un sourire indécis. Dans son intérieur, ces symptômes divers d'une agitation secrète s'accusaient encore plus nettement. Le président ne desserrait point les dents, ou parlait vite et beaucoup. Dès que la soirée s'avançait, il s'enfermait dans son cabinet de travail. Quelquefois pourtant, on eût dit qu'il hésitait à partir. Il se rasseyait dans son fauteuil, y demeurait quelques instants encore, se levait enfin et jetait sur sa femme et sur son fils un regard de crainte et de regret. La présidente ne s'alarmait pas. Elle était tout entière à ses pratiques religieuses, à ses œuvres pies, et savait mieux ce qui se passait dans le galetas du pauvre que dans sa propre maison. Mais le jeune doncier, alors âgé de 25 ans, et tout récemment nommé substitut à Brémond, s'inquiétait de l'état de son père, autant en magistrat qu'en bon fils. Ce jeune homme, très sérieux d'allure, sans être aussi dévot que sa mère, avait gémi de bonheur en son fort intérieur sur les fredaines du président. Peut-être aussi avait-il eu peur qu'il n'en rejaillît sur lui-même un mauvais renom, et qu'elle ne nuisisse à son avancement. L'affaire Jean-Pierre l'avait au plus haut point contristé. Heureusement, la position du président était sauve, et la leçon avait dû profiter à ce magistrat prodigue, dont la conduite s'était notablement amendée. Tranquille à cet égard, le jeune homme ne l'était nullement sur ce que la manière d'être du président avait d'extraordinaire et d'incohérent. Il craignait d'y voir un dérangement d'esprit et ne pouvait se faire illusion sur les progrès très manifestes d'un malaise physique. Il aimait au fond son père, qui lui avait toujours témoigné de l'affection, mais il avait envers lui des habitudes de respect et de tenue qui l'empêchaient de l'interroger. Il se contentait donc de l'épier et se promettait de saisir le premier moment où le président serait de lui-même enclin à la confiance, ou souffrirait assez pour ne point dissimuler le motif de son trouble. Un soir que le jeune magistrat, en montant se coucher, passait devant l'appartement de son père, il crut entendre des plaintes étouffées et des soupirs. Il prêta l'oreille, et le bruit lui parvint plus distinct. Le président marchait par la chambre et se lamentait. Le jeune homme n'hésita plus et frappa. Ce fut une voix effrayée qui lui dit « Qui est là ?»« C'est moi, mon père, » répondit-il. « Ah, c'est toi, je vais ouvrir. » Le président ouvrit, en effet, prit son fils à bras-le-corps et l'entraîna rapidement vers la cheminée. Monsieur Doncière était en robe de chambre, très pâle, l'œil égaré, les mains tremblantes. « Tu as bien fait de venir, Alfred, » dit-il à son fils. « Qu'avez-vous donc, mon père ?»« J'ai peur, » reprit le président à voix basse. Ses mains tremblèrent plus fort, et il promena autour de lui des regards effarés. La peur est contagieuse. Le jeune homme se serra contre son père, et tous deux restèrent un moment silencieux. « Expliquez-vous, mon père, » murmura enfin le substitut, « et rassurez-vous, je suis là. » « Eh bien, fille Doncière, il y a un mois que cela dure et augmente chaque jour. Ce n'a été d'abord qu'un malaise vague, indéfinissable. À l'heure où je vous quitte d'habitude, ta mère et toi, je me sentais enveloppé de frissons, de terreurs sans cause. Il me semblait que je cessais d'être moi, qu'une personnalité étrangère se mêlait à la mienne. J'écoutais et je n'entendais rien. J'avais l'esprit tendu, et je ne percevais aucun effroi précis contre lequel je pusse me débattre. Je souffrais, en quelque sorte dans le vide. puis peu à peu ce sont des douleurs aiguës, très distinctes chacune, à secousses successives, lancinantes, telles que des piqûres d'aiguilles que j'ai ressenties. Cela me tombait sur le cœur comme une pluie de traits, de feu, incessante et acérée. Non, ce n'est pas sur le cœur, je m'exprime mal. C'est sur tout mon système nerveux que s'abattait cette plaie déchirante, partielle et totale à la fois. Cela me paraissait intolérable. Pourtant, ce n'était rien de ce qui m'arrive aujourd'hui. Depuis quelques jours, ces tortures préliminaires ont perdu de leur acuité. Elles ne m'étreignent que lentement avec une persistance traîtresse. C'est un réseau dont les mailles se resserrent et me font captif. Puis, à un moment donné que je sens s'approcher, mais dont je ne peux exactement apprécier la venue, je subis sur tout mon être une attaque soudaine, énervante, implacable, et la force m'échappe en même temps que la raison. Je t'ai dit que j'avais peur, et je ne t'ai dit que trop vrai. Il y a quelqu'un de tout-puissant qui me hait et me poursuit, et contre qui j'essaie en vain de me défendre et de réagir. Tiens, continua M. Doncière avec un soubresaut convulsif, voilà l'instant fatal. Ah, que je souffre! Grand Dieu, que je souffre! Le malheureux président se tordit dans une effroyable crise nerveuse à laquelle succéda une prostration complète. Son fils le soutint, l'assit dans un grand fauteuil et lui fit respirer des sels. Au bout de quelques minutes, M. Doncière revint à lui et ouvrit les yeux. « Mon père, lui demanda le substitut, ne vous connaissez-vous pas quelque ennemi ?» Comme le président tardait à répondre, il ajouta de lui-même dans un certain désordre d'esprit, « Ce Jean-Pierre, par exemple, qui a été condamné ?»« Oh ! » fit le président. « Ceux qui sont morts sont bien morts. Ce ne sont pas ceux-là qui me tourmentent. Non, celle qui s'acharne contre moi est vivante encore, et elle me tuera. Qui est-ce donc ? C'est Gilda, celle qu'on appelle la sorcière. Au moment où je souffre tant, c'est elle que je vois pleine d'imprécations et dirigeant contre moi sa vengeance. Bah, fit le magistrat, qui ne crut plus qu'à une simple hallucination chez son père. S'il ne s'agit que de cette femme-là, je vous en débarrasserai bientôt. Et dès demain, vous irez mieux, je vous le promets. Toute la journée du lendemain, il eut pour son père de petits gestes d'encouragement et d'espoir. Le président, dont l'intelligence était affaiblie, souriait à son fils et se trouvait plus valide. Le substitut en tirait un bon augure. À vrai dire, il n'admettait pas que Gilda pût être pour quelque chose dans la maladie du président. Puis une sorcière n'effraie pas un jeune magistrat qui débute avec une confiance absolue et naïve dans le respect dû à la loi et dans sa propre importance. En supposant que la bohémienne se livra, ce qui était possible, à quelques jongleries, il l'intimiderait aisément, l'amènerait à M. Doncière, et celui-ci serait vite et radicalement guéri quand il verrait humble et soumise en sa présence celle qu'il considérait comme une formidable ennemie. Le soir, vers 10 heures, le jeune homme s'achemina vers le logis de Gilda. Mais la nuit était belle, mais sombre et silencieuse, et le murmure des eaux de la Seine se mêlait seul au bruissement de l'air dans les arbres. Tout en marchant, Alfred Doncière se défendait mal de certaines idées superstitieuses. Il se rappelait, malgré lui, les récits fantastiques qui bercent souvent notre enfance et dont les lointaines impressions se réveillent et grandissent parfois tout d'un coup dans la solitude. Aussi, au lieu de frapper à la masure de Gilda, il appliqua d'abord son œil à la fente du volet. Cette fente, élargie et dégradée par la pluie, laissait passer un large rayon de lumière. Il ne vit Gilda que de dos, tournée vers un angle de la salle, les mains tour à tour jointes et étendues, et le corps agité de frissons. Elle parlait ou priait. Après l'avoir observée quelques instants sans pouvoir se rendre compte de ce qu'elle faisait, le jeune homme frappa plusieurs coups à la porte. Ne recevant pas de réponse, il leva le loquet et entra. Depuis que la pauvre femme n'était plus que Gilda la sorcière, elle se savait assez protégée par la crainte qu'elle inspirait et ne s'enfermait plus. Elle ne bougea point et ne parut pas s'apercevoir de la présence d'un étranger. Gilda était en effet accroupie devant un escabeau sur lequel se dressait, haute environ d'un pied, une figurine en terre glaise grossièrement modelée. Le jeune homme regarda cette figure et ne put se tromper à la ressemblance fruste, mais gauchement réelle, qu'elle avait avec le président. L'œuvre, pour ainsi dire pétrie sous des doigts haineux et crispés, avait un aspect bizarre, tourmenté, douloureux. C'était bien le président d'Oncière, maigre voûté, dont les traits empruntaient à la terre verdâtre une apparence horriblement naïve de terreur hébétée et vertigineuse. Une longue épingle à tricoter était fichée dans la poitrine à l'endroit du cœur et s'y tenait horizontale. Gilda, dont les incantations étaient une sorte de mélopée, plaintive, alternée de sons gutturaux, ne quittait point des yeux la figurine, vers laquelle elle s'élançait par bonds, et qu'elle couvrait de ses regards ardents et de ses gestes de menace. À la fin, elle se souleva sur ses genoux, et saisissant l'épingle de sa main droite, elle l'enfonça d'un millimètre peut-être dans la poitrine du président par un mouvement d'une précision instantanée et parfaite. Puis elle-même raidit ses membres, mais avec un long soupir de souffrance et de joie, tomba inanimée sur le sol. Alfred de Doncières avait suivi cette scène avec une stupeur voisine de l'effroi. « Ah, du moins, s'écria-t-il, si elle frappe, elle est aussi frappée. » Il eût voulu l'interroger, mais il la secoua inutilement. Il ne tenait dans ses bras qu'un corps inerte. Alors il sortit en proie à une anxiété profonde, à ce trouble de l'âme et des sens que cause l'obsession d'un mauvais rêve. Il ne pouvait douter de ce qu'il avait vu. Il avait assisté à cette criminelle opération des sorciers d'autrefois qu'on appelait l'envoûtement, et qui déterminait à distance et dans un temps régulier la mort de la victime. Certes, à l'envisager en lui-même, ce meurtre entrepris sur une image n'était qu'une jonglerie puérile, mais les effets qu'il avait pu constater n'en étaient pas moins réels et terribles. Que faire ? Telle était la question que le jeune magistrat se posait. Il pouvait faire jeter cette femme comme tireuse de cartes dans un dépôt de mendicité. Il est vrai qu'elle parlerait, qu'on ajouterait peut-être foi à ses paroles, et que cette histoire d'envoûtement courrait la ville. Un président envoûté en plein XIXe siècle, c'était à la fois ridicule et honteux pour la magistrature tout entière. Le substitut en sentait le rouge lui montait à la figure. Il avait emporté avec lui la fatale statuette et tâchait de l'échauffer dans ses mains pour lui enlever toute forme reconnaissable. Mais la terre glaise avait séché, résisté et se brisé sous ses doigts. Il en jetait alors les morceaux çà et là dans la scène avec une secrète horreur. Bien que le grand terne l'eût un peu remis, il avait à peine conscience de ses actes. Loin d'être en état de s'arrêter à un parti, il eut lui-même besoin d'être conseillé. Machinalement, il avait repris le chemin de la ville et de l'hôtel. Il aperçut de la lumière aux fenêtres de son père et monta chez le président. Celui-ci, renversé dans son fauteuil, paraissait sortir d'une crise violente. Il se dressa sur ses pieds en voyant son fils, et le jeune homme demeura une minute interdit et tremblant. Il trouvait au président une ressemblance sinistre avec la figure de terre glaise. Eh bien, lui dit Monsieur Doncières, ta visite a été inutile, car j'ai souffert ce soir plus encore que les autres jours. Alfred n'osa point raconter ce dont il avait été témoin. Il faut prendre sur vous, mon père, et vous soigner, répondit-il d'un ton grave. Ah, tu vois donc bien, répliqua le président, que je suis malade, qu'on me poursuit, et que je n'ai point tort dans mon épouvante. Il s'approcha de son fils. Cette femme avait-elle l'air bien méchant? Fit-il avec angoisse. C'est que je sens qu'elle m'enfonce un petit coup, un fer dans la poitrine, et qu'elle peut me tuer quand elle le voudra. Tiens, tu le crois comme moi, car tu es plus livide que je ne le suis. Quelle puissance infernale a-t-elle donc? Dit l'infortuné vieillard en levant, par un geste de prière, ses deux mains vers le ciel. Va, s'écria le jeune homme, je te délivrerai d'elle. Il s'élança hors de l'appartement et courut dans la direction du logis de Gilda. Il n'était plus maître de lui, car il songeait, s'il ne pouvait avoir raison de la sorcière, à lui tordre le cou. Comme il marchait rapidement le long de la Seine, il entendit le pas d'un cheval. C'était le docteur Humbert, un jeune médecin de campagne récemment établi à Brémont, qui revenait de visiter un malade dans un village voisin. « Ah, docteur !» s'écria le substitut en se pressant contre le montoir et en saisissant les mains d'Humbert. « C'est Dieu qui vous envoie. Vous êtes un homme d'honneur. Vous ne répéterez point mes paroles. Vous allez m'expliquer ce qui se passe. Je deviens fou. » Et sans lui laisser le temps de placer un mot, il raconta au médecin la maladie de son père et les événements de la soirée. Le docteur avait mis pied à terre et attaché son cheval à un arbre. Il donnait le bras au substitut et se promenait avec lui sur le chemin de halage. Il l'écoutait d'ailleurs avec une attention intelligente et curieuse, car il avait remarqué un des premiers l'altération de la santé du président, et n'avait pas été loin de l'attribuer à l'influence occulte de Gilda, dont il connaissait l'histoire et le genre de vie. Alfred de Doncières, tout en parlant, s'était un peu calmé. « Mon cher monsieur, lui dit le docteur, si extraordinaire que tout ceci puisse paraître, c'est fort simple. Vous venez de voir par vous-même ce qu'était l'envoûtement, ce qu'il est encore aujourd'hui, puisque la tradition, ce que je n'eusse pas cru, s'en est conservée. L'envoûtement n'était qu'une image matérielle de l'hostilité cérébrale et systématique dont le sorcier poursuivait sa victime. Les sorciers étaient tous des gens éminemment nerveux. Avant d'entrer en crise, ils avaient la ferme volonté d'attaquer leur ennemi. Alors leur cerveau, obéissant, bien qu'il ne fût plus contrôlé par l'intelligence, à la direction qu'elle lui avait imprimée, et qui subsistait plus ou moins longtemps, agissait comme un instrument de mort, par de violentes émissions du fluide qui lui est propre. Au bout de plusieurs crises, autrement dit de plusieurs tortures infligées à la personne contre laquelle il s'acharnait, surtout si cette personne, sachant ce qui se machinait contre elle, avait le système nerveux surexcité et prédisposé à l'envahissement du fluide, ils atteignaient leur but. Dans le cas qui nous occupe, la sorcière physiquement exaltée par la haine, c'est Gilda. Sa victime à l'organisation tout à la fois ébranlée et affaiblie, c'est votre père. « Oui, c'est possible, dit Alfred rêveur. Mais en somme, que pensez-vous de tout cela ? Je pense que votre père est sérieusement malade. Qu'y a-t-il à faire ? Allons voir cette femme. » Gilda n'était plus en crise. Elle était étendue sur son lit. Elle ne témoigna aucune émotion en apercevant les deux visiteurs. Elle s'accouda seulement et les regarda. « Vous me connaissez, fit doucement le médecin, et monsieur est le fils du président. Vous passez pour sorcière et vous vous livrez contre le président à de coupables pratiques. Je le sais, je veux le tuer, je le tuerai. Prenez garde, dit le substitut, vous avez la justice à redouter. Ne vous mêlez point de mes haines et prenez garde vous-même. » Et il eut un tel accent et un tel regard que le jeune homme en frissonna. Mais la colère le saisit aussi. Il fit un pas en avant. « Misérable ! S'écria-t-il. Le docteur l'arrêta. « Vous vous tuez, » dit-il à Gilda. Elle fit un geste d'orgueilleuse insouciance. « Vous ne voulez pas, » dit encore le docteur, « renoncer à vos opérations criminelles ?»« Non, » dit-elle. Et elle se tourna du côté de la ruelle. On n'en tira plus rien. En vain, le docteur et le jeune doncière la supplièrent et la menacèrent. Ils allèrent jusqu'à la saisir par ses vêtements. Mais elle poussa comme un rugissement, et se couvrant le visage de ses deux poings fermés, elle se blottit étroitement contre le mur. « Sortons, » fit le docteur. « Monsieur, continua-t-il quand ils furent dehors, il faut, dès le point du jour, faire transporter cette femme à la maison d'aliénés du département. Je vais signer le certificat nécessaire pour qu'elle y soit admise. Je m'arrête à cette solution et j'agis selon ma conscience. Cette malheureuse n'est peut-être pas absolument folle, mais elle est sous le coup d'une idée fixe aussi dangereuse pour elle-même que pour d'autres. On ne la soignera qu'en la dépaysant. Peut-être aussi la funeste influence qu'elle exerce sur votre père s'amoindrira-t-elle à distance. L'enlèvement de Gilda s'exécuta quelques heures plus tard, rapidement et sans bruit. Le président, à qui son fils s'empressa de l'apprendre, en éprouva d'abord un mieux sensible. Ce mieux ne devait pas se soutenir. Après quelques jours, les symptômes d'agitation nerveuse, d'hallucination et de délire reparurent avec une intensité extrême. Gilda, bien qu'absente, ressaisissait sa proie. Le jeune doncière courut chez le médecin. « Cela ne m'étonne pas, lui dit Humbert. J'ai prié le médecin de l'hospice de me tenir au courant de l'état de cette femme. Et il m'écrit que les crises, hésitantes au début, s'accusent aujourd'hui avec un excessif caractère de concentration et d'énergie hostile. Néanmoins, elle en sort chaque fois plus défaillante et plus exténuée. C'est véritablement un duel à mort entre elle et le président. Il faut que votre père puisse résister quelque temps encore. Si elle meurt avant lui, il est sauvé. Le surlendemain au soir, le substitut alla en toute hâte chercher le docteur. Le président était à l'agonie. Quand les jeunes gens rentrèrent, M. Doncière, debout avec une horrible expression de visage, battait l'air de ses deux mains, comme pour conjurer une apparition ou détourner un coup mortel. Au moment où Alfred et Humbert s'élançaient vers lui, il tomba. Mort, la face contre terre. Le docteur Humbert attribua cette fin subite à la rupture d'un anévrisme. La nouvelle s'en répandit promptement par la ville, où elle causa de médiocres regrets, mais donna lieu à de nombreux commentaires. Il était à peu près 11 heures, et le whist finissait. Au matin, Alfred Doncière reconduisit le docteur Humbert, qui avait tenu à passer avec lui la nuit entière auprès du président. Il prenait congé du médecin quand on remit à celui-ci une dépêche télégraphique de l'hospice des aliénés. Il l'ouvrit et lut tout haut. « La folle Gilda est morte d'épuisement hier, au soir, à 11h30, après une dernière crise prolongée. Elle a soupiré et dit « Je t'ai vengé ». Ainsi Gilda avait succombé une demi-heure après le président. Le médecin et le substitut se regardèrent. « Ah, c'était fatal, » dit Alfred Doncière. « Il y a peut-être, » répondit le docteur, « de mystérieuses vengeances qui ne tombent pas sous l'action de la justice, que la science n'explique qu'à demi, mais que Dieu permet. »